Chapitre 6e. Ma famille est liée avec la famille de Chamri, et je vous donne ma parole d'honneur que ce que je vais vous dire est la pure vérité. Voyons, fit Roland d'un air important. Feu le marquis de Chamri, dont les dames que je viens de saluer portent encore le deuil, a hérité de son cousin, le marquis Hector de Chamri, tué en duel il y a 18 ans. Je sais cela, dit Roland. À propos, interrompit Fabien, avec une nuance de raillerie, quel âge donnez-vous à votre demoiselle de Chamri, comme vous dites? Elle a 25 ans et ne s'en cache pas. Fabien réprima un sourire. Et vous dites qu'elle est la sœur du marquis Hector? J'en ai la preuve. Et à votre compte, la fille du marquis de Chamri, père d'Hector? Naturellement. Mais mon cher Roland, le marquis est mort en 1816, un an après la seconde restauration. Comment voulez-vous que mademoiselle de Chamri n'ait que 25 ans? Nous sommes en 1851, elle en a 36 au moins. C'est impossible, le marquis est mort plus tard. Pardon? Je me souviens parfaitement des dates, elles sont exactes. Mais rassurez-vous, mon cher Roland, rassurez surtout votre amour-propre, car vous aimez passionnément votre prétendue mademoiselle de Chamrier. Vicomte Fabien, interrompit le jeune homme avec colère, veuillez donc vous défaire de ce mot de prétendu. J'ai vu des lettres de feu la marquise de Chamry adressées à sa fille Andrée, et là-dessus je ne saurais avoir deux opinions. Mon cher, répondit Fabien, mademoiselle Andrée est bien en effet la fille de madame de Chamry, mère du marquis Hector, vous voyez bien. Mais, acheva Fabien, elle est en même temps la fille d'un sieur Bruno, avocat blois, dont pendant son veuvage, la marquise de Chamry s'était amourachée. Un cri de surprise échappa à Roland. Mademoiselle Andrée Bruno, poursuivit dédaigneusement le vicomte Fabien, élevée chez sa mère comme orpheline, n'a dû longtemps ses moyens d'existence qu'à monsieur le comte de Chamry, cousin et héritier du marquis Hector, qui lui a constitué 12 000 livres de rente viagère, ce que le marquis d'Hector n'avait pas jugé convenable de faire. Il est vrai, ajouta Fabien d'Amol, tandis que son jeune compagnon paraissait en proie à une vive agitation, il est vrai que sa mère morte, mademoiselle Andrée, a impudemment pris un nom qui ne lui appartenait pas, que ni son père ni sa mère ne lui avaient concédé, et que non contente de cette usurpation, elle a traîné ce nom dans la boue. Monsieur, exclama le jeune homme hors de lui. Bah, dit Fabien froidement, laissez-moi donc finir. Vous me tuerez demain, si cela vous plaît, mais aujourd'hui, écoutez-moi. Je maintiens le mot. La prétendue mademoiselle de Chamry est une de ces femmes hors la loi du monde, devant lesquelles une maison nette ne saurait s'ouvrir, et chez laquelle nous pouvons aller, nous, avec nos éperons et le cigare à la bouche. Vous aimez mademoiselle Andrée Bruno, mon cher ami, et je suis réellement désolé de désillusionner un peu votre amour. Mais que voulez-vous? Pourquoi donc cette fille s'est-elle permis de regarder insolemment la marquise de Chamry et sa fille? À ces derniers mots, le jeune Roland de Clayé arrête la course son cheval. Vicomte Fabien, je vous ai patiemment écouté, mais je ne saurais vous écouter plus longtemps. Adieu, à demain. Vous me rendrez raison. De tout, hormis de la vertu de mademoiselle Andrée Bruno, répondit Fabien d'un ton moqueur. Il pressa légèrement son cheval, salua Roland et s'éloigna au petit galop. Celui-ci, en proie à une surexcitation violente, redescendit l'avenue des Champs-Élysées, traversa la place de la Concorde, prit la rue Saint-Florentin et entra dans une maison qui portait le numéro 18. « Mademoiselle de Chamry est-elle rentrée ? » demanda-t-il au Suisse. « Oui, monsieur, lui répondit-on. » Le jeune homme jeta sa bride, mit pied à terre et gagna le premier étage que mademoiselle de Chamry habitait seule. Monsieur Roland de Clayé pénétra chez mademoiselle de Chamry d'une façon cavalière, qui aurait pu jusqu'à un certain point venir à l'appui des assertions plus cavalières encore de son ancien ami, le vicomte Fabien d'Amol. Il entra comme chez lui, tira l'oreille au groom qui lui ouvrit la porte et prit le manteau rose de la jolie femme de chambre qu'il trouva sur le seuil du salon. « Ta maîtresse est rentrée, » dit-il. « On me l'a dit en bas. Veux-tu m'annoncer ?»« Mademoiselle n'est pas visible, » répondit la soubrette. « Hein ?» fit le jeune homme stupéfait. « À moins que monsieur ne désire attendre. » Le jeune homme avait subitement froncé le sourcil. « Elle a du monde, sans doute. »« Oui, monsieur. Fais-lui passer ma carte. » En prenant ce parti, Roland demeurait persuadé que mademoiselle de Chamry le recevrait sur le champ. La femme de chambre prit la carte et disparut, tandis que Roland passait dans le salon et s'y promenait de long en large. Elle revint peu après. « Il est impossible, mademoiselle, » dit-elle froidement, de recevoir monsieur en ce moment. Si monsieur veut revenir à 8 heures, il trouvera mademoiselle. » Un geste de colère et d'impatience s'échappa au jeune homme. « Voici la première fois qu'André me refuse la porte, » murmura-t-il. Il s'en alla furieux, remonta à cheval et rentra chez lui, rue de Provence, au 5, où il habitait un joli appartement de garçon. Roland s'enferma dans son fumoir et se prit à songer. « Oh, les femmes !» se dit-il avec cet accent désespéré des hommes de 23 ans, qui croient tout perdu, même l'honneur, le jour où une drôlesse qu'ils aiment a jugé convenable de changer, sans prendre leur avis, la forme de sa coiffure. Roland de Clayet était un tout jeune homme, orphelin, jouissant d'une 20 000 livres de rente, et n'ayant plus d'autres parents qu'un vieil oncle, le chevalier de Clayet, qui lui laisserait 8 ou 9 000 livres de revenus. Roland avait débuté de bonne heure dans la vie parisienne, et sans une étourderie profonde qui formait le côté saillant de son caractère, il aurait dû avoir déjà quelque expérience. Mais Roland était un de ces jeunes fous qui sont éternellement dupes de leur cœur, de leur imagination, de leur vanité, ce qui est pire, qui demeurent persuadés qu'un rayon de la sagesse divine s'est égaré dans leur âme. Roland avait, depuis 5 ans qu'il était émancipé, fait maintes écoles, écorné son patrimoine. Il s'était figuré qu'il aimait passionnément des femmes, qu'il avait odieusement trompées, et possédait au dernier degré cette croyance des jeunes gens qui leur montre comme la plus vertueuse des femmes, celle-là même qui s'est compromise pour eux. Roland avait rencontré un jour mademoiselle de Chamery dans un monde douteux. Il en était devenu éperdument amoureux et lui avait offert sa main. Il y avait de cela environ 3 mois. Pendant ces 3 mois, André avait joué avec lui toutes les comédies du sentiment et de la grande coquetterie. Tantôt, touchée de son amour, elle était sur le point de consentir à cette union, elle qui affirmait avoir, depuis sa plus tendre jeunesse, une profonde horreur du mariage. Tantôt elle lui disait « Vous êtes fou, mon ami, je suis une très vieille femme, j'ai 25 ans tout à l'heure. » Depuis 3 mois, Roland avait déserté peu à peu ses relations, ses amis, ses habitudes, au profit de mademoiselle André de Chamery, dont il ne voyait pas, tant il est vrai que l'amour est bien aveugle, la vie indépendante et excentrique. Mais André s'était posé en artiste, en femme qui fait de la peinture d'une façon remarquable et qui, à ce titre, reçoit chez elle des hommes du monde, des écrivains, des peintres, des femmes de théâtre. À cette corde de son arc, elle en avait joint une autre, elle faisait des vers. Un théâtre de vaudeville avait joué d'elle un proverbe. André de Chamery était une lionne. Pour Roland de Clayet, c'était la vertu même, l'art chaste et pudique sans pruderie, quelque chose comme une mademoiselle des touches de Balzac. Il allait chez elle plusieurs fois par jour, le matin, le soir, à toute heure. Or, pour la première fois, elle lui défendait sa porte. Roland crut qu'il en deviendrait fou sur l'heure. Et comme les amoureux ont la rage d'écrire, il prit une plume et écrivit le billet suivant, qu'il cacheta en hâte et remit à son groom avec ordre de le porter sur le champ rue Saint-Florentin. Voici ce billet. Je sors de chez vous où vous étiez et vous avez refusé de me voir. Je rentre chez moi, fou de douleur, ne sachant, n'osant deviner le mobile de votre rigueur, tremblant de n'être plus aimé et voyant tout en noir. Oh, les tortures de l'enfer sont entrées dans mon âme. Je souffre 1000 morts. Un mot, je vous en prie à genoux, un mot, de grâce. Qu'est-il donc arrivé? J'attends. Roland. Et tandis que le groom portait cette phraséologie en poulet, cachetée aux armes de Roland, de gueule à 3 anneaux d'or, notre héros attendait dans une anxiété difficile à rendre. Mais pendant une demi-heure que dura l'absence du groom, Roland ne put s'empêcher de réfléchir, et en réfléchissant, il se dit qu'il allait se battre le lendemain avec un ami intime, le vicomte Fabien d'Amol, qui lui avait servi de mentor et de pilote sur la mer parisienne. Et involontairement, il se souvint des paroles dédaigneuses de Fabien à l'endroit de celle qu'il appelait la prétendue mademoiselle de Chamery. Si bien cacheté que fut le cœur de Roland, si absolu que fut son amour, si entière que fut sa croyance en la vertu d'André, il ne put empêcher le soupçon, cette tache d'huile imperceptible d'abord et qui grandit si vite, de pénétrer dans son esprit. Et ce soupçon se trouvait appuyé tout à coup de la conduite de mademoiselle de Chamery, qui depuis 3 mois le recevait à toute heure et venait cependant de lui refuser sa porte à 4 heures de l'après-midi, l'instant où une femme est toujours visible. Heureusement pour la pauvre imagination du jeune amoureux, qui s'en allait trottant dans le champ des conjectures, le groom revint et lui apporta un billet qui produisit sur les soupçons de Roland et le souvenir des paroles de Fabien Damol l'effet du soleil levant sur les brouillards qui rampent au flanc des collines. Mademoiselle André de Chamery lui écrivait que l'arrivée inattendue chez elle du baron de Chamery, un de ses parents de province, avait été la seule cause qui l'eût empêché de le recevoir, lui, Roland, mais que pour dédommager ce dernier de la contrariété qu'il avait dû subir, elle l'invitait à venir le soir même, à 8 heures, prendre chez elle la tasse de thé de la réconciliation. Il était alors 5 heures. Or, comme nous venons de le dire, mademoiselle de Chamery ne devait recevoir Roland qu'à 8 heures. C'était donc 3 heures à attendre. 3 siècles. On a remarqué que dans le langage des amoureux, on ne saurait comparer décemment une heure d'attente à autre chose qu'à 1 siècle. L'amour aime les métaphores épiques. Roland commença par se demander à quoi il emploierait ces 3 mortelles heures. Heureusement, il se souvint de sa querelle avec Fabien et songea qu'il lui fallait trouver des témoins. Il se rendit donc à son cercle rue Royale où il dîna. Puis après le dîner, il passa dans le salon de jeu où il trouva 2 petits jeunes gens de 20 ans qui jouaient aux échecs. « Tiens !» dit l'un d'eux en laissant retomber sur sa poitrine le lorgnon qu'il avait dans l'œil et regardant Roland. « C'est toi, mon bon ami ?»« Bonjour Octave. Bonjour Edmond, » dit Roland. « C'est à vous que j'en ai. À nous. À vous deux. Hey, » dit Octave d'un petit ton moqueur. « On se bat donc. Précisément. » Et quand cela? Demain matin. Avec qui? Avec Fabien Damol. Ah, par exemple? S'écria Edmond. Voilà qui est bizarre. Tu trouves? Parbleu, Fabien est ton ami. Il l'a été, il ne l'est plus. Le petit jeune homme qui répondait au nom d'Octave se leva gravement et appuya une main sur l'épaule de Roland. Mon bon ami, puisque tu nous fais l'honneur et l'amitié de nous prendre pour témoins, il faut que tu nous fasses ta confession. Plaît-il? Le devoir des témoins. « Est chose sérieuse. Nous ne te laisserons battre que lorsque nous saurons. »« Mes bons amis, » répondit froidement Roland en tirant sa montre, « il est 6h30. J'ai 1 heure à vous donner. Voulez-vous faire un whist ?»« C'est pour moi le seul moyen de répondre à vos questions. »« Singulier moyen. Je me bats demain avec Fabien Damol, mon ami, comme vous dites. Ni lui, ni moi ne pouvons dire pourquoi. Vous plaît-il m'assister et garder le secret ?»« Oh, oh !» murmura le petit Octave. « Je devine. » Il est question d'une femme. Peut-être. Donc, vous acceptez? Parbleu. Alors chez moi, demain, à 6h du matin. Nous y serons. Roland demanda une plume et écrivit à Fabien. Monsieur, je ne pourrai être chez moi ce soir et par conséquent recevoir vos témoins. Mais si vous le voulez bien, je serai demain à 7h avec les miens et mes épées au bois derrière le pavillon d'Armenonville. Votre obéissant, Roland de Clayet. Roland quitta son cercle vers 7 heures et rentra chez lui pour s'habiller. Là, il trouva une lettre arrivée de province et datée de Besançon. Cette lettre était du chevalier de Clayet, son vieil oncle. « Mon neveu, disait le chevalier, vous me demandez mon consentement à un mariage qui, si j'en crois votre lettre, me paraît convenable de tous les points au rein seul, l'âge de la jeune personne que vous désirez épouser. Prenez garde. Il nous faut toujours chercher une femme moins âgée de 10 ans au moins. Mais, ceci réservé, je crois ne pouvoir refuser d'approuver votre choix. Les Chamery sont de bonnes roches, ils allaient à Malte, et 20 000 livres de rente accompagnent toujours bien un beau nom. Roland ne voulut point lire davantage, et tout joyeux, il s'habilla et courut rue Saint-Florentin. André l'attendait. La jolie blonde était à demi couchée dans sa bergère, au coin du feu, dans le plus coquet boudoir, qu'ait jamais rêvé petite maîtresse. Elle tenait un livre à la main, les méditations poétiques de M. de Lamartine. Elle avait une pointe de mélancolie dans le regard et l'attitude. Elle tendit la main au jeune homme qui se jeta à ses genoux et lui dit « Ah, tenez, tenez, lisez cette lettre. Me refuserez-vous encore ?» Elle lui tendit la lettre de son oncle le chevalier. André prit cette lettre et la lut gravement d'un bout à l'autre. « Vous êtes un fou, » dit-elle enfin. « Un fou ?» Sans doute. Pourquoi avoir écrit à votre oncle? Il le fallait bien. Il fallait d'abord me consulter. Vous l'avais-je permis? Ah, s'écria Roland, ne voulez-vous plus de moi? Hier encore. Hier n'est pas aujourd'hui, dit mademoiselle de Chamery, avec une coquetterie infernale. Et puis je veux réfléchir encore. Donnez-moi 8 jours et faites-moi un serment. Lequel? celui de ne plus me questionner, de ne plus me demander d'ici là quelle est ma résolution. Venez me voir tous les jours, mais ne me parlez plus mariage. Peut-être y gagnerez-vous. » André accompagna ces derniers mots d'un regard et d'un sourire qui parurent à Roland la plus formelle des promesses. « Soit, » dit-il, et il tint parole. Durant la soirée, il s'enivra de la voix, du sourire, de l'esprit de cette femme, qui possédait du reste de merveilleux secrets de séduction, et 11 heures sonnèrent. « Ah, mon Dieu, » dit-elle, « vous êtes encore ici à pareille heure. Partez, partez vite !» Roland se leva. Tout à coup, il se souvint des paroles de Fabien, et poussé par une sorte d'avide et fatale curiosité, il dit à André « À propos, connaissez-vous un ami à moi, Fabien Damol? Je voudrais vous. » Et il attacha un regard scrutateur sur le visage de la jeune femme. André demeura impassible. « Gardez-vous-en bien, » dit-elle. « Monsieur Fabien Damol est un homme qu'on ne reçoit pas. Il m'a poursuivi pendant 2 années de son sot amour et le dépit l'a rendu infâme. Il me calomnie le plus qu'il peut et partout il va. Adieu. » Et mademoiselle de Chamry congédia Roland sans vouloir lui en dire davantage. Roland rentra chez lui en se disant « Demain, je tuerai Fabien, il le faut. »